ouvre tes bras, viens danser avec moi, petit amour, au sommeil lourd, c'est le matin, tout est calme et serein. Calme et serein.